Et on va donc peut-être revenir sur ce plat, sur ce point. Quelle est cette forme de mécréance? Donc rendre le musulman mécréant sans raison est illicite. Cela est illicite. Hein, cela est illicite. Rendre le musulman mécréant, cela est illicite. Hein, si c'est sans raison. Sans raison. Le rendre mécréant sans raison, cela est illicite. C'est-à-dire sans raison valable. Sans argument, sans preuve, limpide. Hein, cela est illicite, comme en témoigne la preuve qui est le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit, si l'homme dit à son frère, ô toi le mécréant, l'un d'eux l'assume, rapporté par Al-Bukhari radiallahu anhu wa rahimah. Donc, an Abi Huraira radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha qala ar-rajul li akhihi ya kafiru, faqad ba'a biha ahaduhuma. Et puis donc il a cité un autre hadith selon Abdullah ibn Dinar qu'il entendit Ibn Umar dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit tout individu qui dit à son frère ô toi le mécréant l'un d'eux l'assume si c'est comme il dit sinon elle retourne à lui. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, an Abdullah ibn Dinar, annahu sami'a ibn Umar yaqul, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyuma imri'in qala li akhihi ya kafiru, faqad ba'a biha ahaduhuma, in kana kama qal, wa illa raja'at alayhi. Hein? Wa illa raja'at alayhi. Et il a cité un troisième hadith aussi dans le même sens. Et d'après Thabit ibn al-Dahhak, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celui qui jure par une religion autre que l'islam, il est donc comme il a prononcé. Celui qui se tue par un moyen, il en sera puni, ou bien il sera puni avec, c'est-à-dire avec ce moyen, dans le feu de la Géhenne, maudire le croyant et comme son meurtre. Celui qui jette la mécréance sur un croyant, c'est comme son meurtre. Hein? Subhanallah, takfirin, peut-être ne pense pas à ces choses. Hein? Ne pense pas à ces choses. Des gens qui sont médiocres dans la science et ainsi de suite, ils n'hésitent pas à rendre les gens mécréants. Hein? Ils n'hésitent pas à rendre les gens mécréants. Alors qu'il y a de grands savants qui ne se prononcent pas sur certains sujets tels que al-takfir. Ils ne se prononcent pas. Il ne répond pas sur ces questions. Il ne répond pas sur le chapitre de At-Takfir et de At-Talaq, par exemple. Ils sont des sujets très graves. Alors que des jeunes qui ont très peu de science, hein, donc osent, donc, se prononcer sur le cas précis, Al-Mu'ayyan. Takfir Al-Mu'ayyan. C'est-à-dire Takfir un musulman précis, déterminé. Hein. Et non pas seulement traiter d'un cas. Traiter d'un cas aussi, c'est grave. Parce qu'on a vu, donc, et on voit maintenant dans ce premier davet, qu'il ne s'agit pas de traiter une question de Al-Kufr si elle ne fait pas partie des choses qui attirent Al-Kufr. Hein, Mukaffir. Anna takun mas'ala mukaffira. Ida kanat mas'ala ghayr mukaffira, fa insan la ya'ni yahkum alayha bi annaha mukaffira. Que dire de prononcer Al-Kufr sur un individu qui ne le mérite pas? Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, celui qui jette la mécréance sur un croyant, c'est contre son meurtre. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc là, le hadith de Thabit ibn al-Dahhak, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a qal, man halafa bi millatin ghayri l'islam, kadiban, fahuwa kama qal, wa man qatala nafsahu bi shay'in, عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله. Le fait de maudire le musulman, c'est comme de le tuer, de le maudire. لعن المؤمن هو كقتله. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. Le fait de prononcer التكفير sur un croyant, c'est comme de l'avoir tué. C'est comme de l'avoir tué. Hein? C'est comme de l'avoir suivi. Après cela, le cheikh, il a cité Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Hein? Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait dit, L'un parmi les innovateurs a plus de foi qu'un autre. Les innovateurs ne sont pas à pied d'égalité. Ils ne sont pas tous semblables. L'un parmi les innovateurs a plus de foi qu'un autre. Il n'appartient donc pas, ou bien il n'appartient donc à personne de déclarer mécréant quelqu'un parmi les musulmans. Parmi les musulmans, même s'il est par exemple moubtadi'. Il n'appartient pas à une personne de prononcer ou bien de déclarer mécréant quelqu'un parmi les musulmans. Même s'il se trompe et faute. Même s'il se trompe et commet une grande erreur, donc parfois. Même s'il se trompe et faute. Jusqu'à ce que la preuve soit établie sur lui. Et que le bon chemin lui soit clarifié. Celui dont la foi est attestée certainement ne la perd pas à cause d'un soupçon. C'est plutôt qu'il ne la perd, il ne perd cette foi, qu'après l'établissement de la preuve et l'enlèvement de l'ambiguïté. حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هذا كلام متين لشيخ الإسلام ابن تيمية ويوجد في المجلد الثاني عشر الصفحة 502. Donc là c'est dans les fatwas d'Ibn Taymiyyah, page 502 du volume numéro 12. Je vais lire cette parole parce qu'elle est précieuse. Je vais la lire en arabe aussi. Donc là c'est parce que c'est une parole précieuse, on la lit, donc il n'y a pas de mal à la lire parce que c'est une parole qui est précieuse. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il avait dit وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Donc là, c'est des choses, c'est-à-dire, il y a des règles. C'est pas des choses donc anarchiques. C'est pas des choses anarchiques. Comme ce qui se fait sur Internet, beaucoup de gens propagent des photos et des choses et c'est donc, ils peuvent donc porter des jugements à cause de quelque chose qui n'est pas vérifié. Est-ce que c'est du Photoshop? Est-ce que donc il y a des choses qui entourent tel acte de tel individu et ainsi de suite. Là, il propage des choses et il prononce des jugements. وعند الله تلتقي الخصوم. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla yahkum bayna ibadih. Donc là, c'était le premier dabe. Là, c'était la première règle qui concerne ce chapitre de At-Takfir. C'est-à-dire que la déclaration de mécréance est un droit qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. صلى الله عليه وسلم الضابط الثاني الكفر نوعان la deuxième règle la mécréance est de deux types le premier type une mécréance mineure qui ne déplace pas de la religion كفر أصغر لا ينقل من الملة et le deuxième type une mécréance majeure qui déplace de la religion et dont l'auteur avait délaissé sa religion et s'est séparé du groupe et c'est l'apostat. Le cheikh, il avait donc dit à propos de cela, il a dit dans plusieurs hadiths, certaines actions ont été qualifiées de mécréance et il se peut que le musulman en commette. Il y a des actions qui ont été qualifiées dans la charia comme étant de la mécréance. Mais ce n'est pas de la grande mécréance. Il se peut que le musulman en commette. C'est donc une désobéissance majeure. Ma'asiyya kubra. Ma'asiyya kubra. Min al-kaba'ir. C'est une désobéissance majeure. Et son auteur ne quitte pas la religion à cause d'elle. La tukhrij min al-milla. Et donc il va nous citer des types de ces ahadiths. Il y a un premier type parmi les textes où l'auteur de certaines actions fut décrit par la mécréance, ou l'association, hein, ou qu'il a un trait de jahiliya. ما جاء في الشرع وصفه بأنه كفر أو شرك أو من أعمال جاهلية. Mais cela ne veut pas dire que l'individu il a mécru à cause de cet acte. Il a cité des exemples de ces hadiths, hein, qui ne montrent pas que tel individu il a mécru. Mais ces actes ils ont été qualifiés ainsi. Selon Jarir ibn Abdillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lors du pèlerinage d'adieu, il lui a demandé, demande aux gens d'écouter. Hein, puis il dit, alayhi sallam, ne redevenez pas des mécréants, les uns parmi vous frappant les coups aux autres. Hein, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Min bayn hadhihi an-nusus, النص الأول عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Est-ce que le fait de s'entretuer cela fait déplacer de la religion, hein, cela fait déplacer de la religion? Non, cela ne fait pas déplacer de la religion. Et pour preuve, c'est que Allah Azza wa Jalla il a qualifié les ta'ifatayn, les deux sectes ou bien les deux camps, hein, qui parmi les musulmans qui vont s'entretuer, d'entreprendre as-sulh baynahuma wa in ta'ifatayn minal mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma. Il les a qualifiés de minal mu'minin, ils font tous partie des croyants. Donc cela prouve que le fait de s'entretuer n'est pas une mécréance majeure. Mais le prophète alayhi salam, il a prononcé ce terme qui est la tarji'u kuffaran yadribu ba'dukum riqab ba'd. Donc là il y a des textes où le terme de la mécréance il est prononcé, mais cela ne veut pas dire que cela déplace de la religion. Et ça c'est shubuhat, subhanallah, des gens de at-takfir, ru'us at-takfir fil 'alam, ils utilisent cela. Ils utilisent cela pour tromper les jeunes. Ils sont de divers pays. Il y a des takfiriens au Maroc. Oui. Il y a des takfiriens en Égypte. Les grands savants de takfir, c'est qui? Parmi les grands théoriciens de takfir, vraiment, c'est Saïd Qutb. C'est Saïd Qutb. Les savants, ils ont dit, c'est celui. C'est celui qui a revivifié cette da'wa de Al-Khawarij. C'est Sayyid Qutb al-Misri, c'est lui qui a revivifié cette da'wa de Al-Khawarij. C'est lui qui a prononcé le kufr sur le mujtama'at, sur les sociétés entières. Sur les sociétés entières. Hein, donc il est tombé dans beaucoup de takfir. Donc là c'est Sayyid Qutb. Et c'est d'autres théoriciens des frères musulmans, c'est quoi Abdullah Azzam, hein, aussi. Hein, donc il y a des gens qui sont encore là, qui sont des takfiriens, dont l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il avait mis en garde contre eux. Voilà, ils disent n'écoutez pas ou ne lisez pas les mises en garde. Voici notre imam, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, il mettait en garde contre les individus précis par leur nom, il citait leur nom. Il a cité Al-Mas'ari, Al-Faqih, Bin Laden. Il les a cités dans une brochure. Il les a cités tous les trois dans un bayan. Il les a cités, il a dit ces gens, il faut se méfier de ces gens. Parce qu'ils ont une propagande de at-takfir et ils essayent de tromper les gens et ils sont sur une piste de wahima. Il a dit, ils sont dans une piste qui est mauvaise. Qui est mauvaise. Wahima. Salakou maslak wahim. Yani fi takfir innas. Il les a cités, Abdelaziz ibn Baz. Rahimahullah ta'ala, il les a cités. Et aussi, il a permis de séquestrer et d'emprisonner des takfiriens parce qu'ils ont prononcé des choses. Et avec sa permission, il a jugé qu'ils doivent être interdits de la da'wa, au moins momentanément jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et c'était Salman al-Ouda ou Safar al-Hawali ou Aïd al-Qarni. En 16 ans, à l'époque de Ibn Baz, rahimahullah, il a cité que ces gens, oui, on a constaté que dans leur charaïf, dans leur cassette et dans leurs écrits, il y a donc une da'wa qui n'est pas saine. Il y a donc des... Donc ils ne maîtrisent pas ce genre de sujet, et ils tombent dans le takfir al-muslimin, et ils appellent les jeunes à dans ce mouvement. Donc là, ils ont été sequestrés et emprisonnés à l'époque de Ibn Baz, rahimahullah, avec son avis. On a demandé son avis, et lui, il s'est prononcé sur cela. Là, rahimahullah, il n'a pas donc épargné l'effort de mettre les musulmans contre cette piste qui est mauvaise. Une piste donc de... Regardez ce que le messager alayhi salam nous avait dit. Hein? Donc le fait de prononcer l'âme sur le musulman, c'est comme de l'avoir tué. Et le fait de prononcer sur lui at-takfir, c'est comme de l'avoir tué. Pourquoi le musulman qui est débutant et Allah Azza wa Jalla a fait, ma kallafak Allah bihada. Allah Azza wa Jalla t'a épargné d'être derrière les savants. Allah Azza wa Jalla a dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science. Pourquoi se prononcer avant les gens de science? Pourquoi ne pas revenir aux gens de science? Si les gens de science, ils nous ont cité un nom, etc., nous on dit, oui, telle personnalité ou telle personne, etc., les gens de science, ils ont jugé de sa mécréance. Comme ce qui a été à propos de Al-Khadhafi, et à propos de Bachar al-Assad, et à propos de son père. Donc les gens de science, ils ont prononcé qu'ils sont sur la mécréance, qu'ils étaient sur la mécréance. C'est Ru'asa, hein, c'est président d'État. Ils ont cité ceux-là. Mais pour d'autres, tant que les savants n'ont pas jugé la chose, pourquoi un débutant qui n'a pas la science, il va se prononcer sur de grands sujets comme ceux-là? Tu n'es pas même de secteur d'un individu, mais de quelqu'un qui est un président d'État. Et il découle de cela beaucoup d'autres jugements qui sont graves. Pourquoi le musulman il va rentrer dans ces choses très étroites et qui le dépassent, des pistes très étroites? Pourquoi il va donc prendre ce genre de sentier? Donc là, Ru'us, que vous m'avez demandé, donc là, il y a ces trottes, il y a Abdallah Azzam, il y a des Ru'us Ikhwan comme ça, et ils sont tombés dans ce genre de relou, dans ce genre de relou, il a dit, pas même Abdallah relou. Il n'y a pas donc de fanatisme plus que ce que avait amené ces trottes relou. De ta'am fi Nabi Allah Moussa, wa takfir mujtama'at, wa hatta nou. Yani il a parlé même des mu'addinim, les gens qui font l'appel à la prière, il a dit même s'ils disent la ilaha illallah, ils ne sont pas des musulmans. Subhanallah, subhanallah. Comment donc oser se prononcer sur des gens que tu ne connais pas même, alors que toi tu es un ignorant? Lui il n'a pas demandé la science. C'était un ignorant, il a écrit des livres, donc des réflexions et de la pensée, et qui ne font pas partie de la science, ni de près ni de loin, qui n'ont rien à voir avec la science, et il s'est permis ces choses. Alors qu'il y a d'autres takfiriens qui sont venus après lui, hein, qui sont venus après lui. Et subhanallah, des gens qui ont étudié chez des gens de science, et et après ils vont revenir à un penseur, et non pas revenir à la parole d'un savant. Subhanallah, comment il s'égare. Donc là, il y a beaucoup de takfiriens, d'autres, après ceux qu'on a cités, le Qarni, le Hawali, le Salman, le Ouda, et il y a d'autres qui vivent en Grande-Bretagne, ils vivent en terre de mécréance en Grande-Bretagne, tel que Al-Mahdisi, qui fait le takfir sur l'État saoudien lui-même, il veut se distinguer. Comme, le fait de déclarer quelque chose qui est étonnant pour se faire distinguer et se faire connaître. Khalif su'raf, il dit l'arabe, khalif su'raf. Le fait de dire quelque chose tellement étonnant pour que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, voilà quelqu'un qui sait, subhanallah. Le fait de prononcer, qu'est-ce qu'il a fait lui? Khalif su'raf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a prononcé le kufr sur l'État saoudien. Dawla Saoudia, kufr Dawla Saoudia, subhanallah. Et le cheikh dont on est en train de lire cette explication bénéfique, cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, wa thabatahullah al-haq, ce cheikh lui a rétorqué par deux livres. Donc il a fait, donc, atal al-nafas ma'ahu, atal al-nafas. C'est ce qu'on dit, nous, en dialecte marocain, m'sam'a, yani b'id, un homme jusqu'au bout. Il est allé avec lui jusqu'au bout pour l'acculer au mur et pour montrer que c'est un kazzab, que c'est un menteur et que c'est un égaré et que c'est quelqu'un qui est donc un fanatique, qui est allé très loin dans Al-Ghulou. Il a rétorqué à lui par le livre Al-Rad. Il a écrit Raddun ala kutub mashbouha, réplique à des livres ambigus. Cheikh Mohamed Bazmoul, il a écrit Rad ala kutub mashbouha. Il réplique à ce Issam Barqawi qui s'appelle Abu Mohamed Maqdisi, qui se surnomme Abu Mohamed Maqdisi, et qui a fait takfir de l'État saoudien. Alors qu'il y a des Qutbis et des takfiris qui ont accepté ce takfir. Iyadan billah. Il y a quelqu'un, un Qutbi au Maroc, très connu, un Qutbi au Maroc qui est Boukhabza, Mohamed Amin Boukhabza, lorsqu'il a été interrogé sur ce livre de Al-Maqdisi, de Abu Mohamed Maqdisi, il a dit oui, c'est un livre où il a largement dit la vérité. Allahu sa'an, et subhanallah, quel égarement après cela. Et il roulou, subhanallah, le roulou, là, c'est, il a mis en garde contre le roulou. Et comme on a vu dans une risala, le roulou dans l'ibada et dans les croyances et dans toutes choses, c'est blâmable. C'est une chose blâmable, le roulou. Donc là, l'insan yabqa ala sunna, wa yabqa yattabi' al-qawa'id, wa yattabi' minha al-salaf salih, wa yarja' li kibar al-ulama, wa yarja' ila al-shuyukh al-ma'rufin, wa yattabi' al-kalam, wa yattabi' al-adilla. Donc là, ce livre, donc les adillas du livre et de la sunna, et revenir aux grands savants, et rester avec Ahl sunna ou Jama'a, et ne pas s'isoler, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre le fait de s'isoler et de s'écarter du groupe. Comment un jeune, il se fait indépendant et il va donc commencer à construire des jugements de valeur sur des gens et sur des groupes et sur des sociétés et suivre des gens qui sont égarés sur internet ou autre, etc. Alors qu'il y a de grands savants, alhamdoulilah, dans cette époque. Il y a Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, il y a Cheikh Albani, il y a Cheikh Al-Faymin, il y a Cheikh Mohamed Al-Jami, il y a Cheikh Rabi Al-Madkhali. Il y a beaucoup de savants, il y a Cheikh Saleh Fawzan, beaucoup de savants. Pourquoi donc ne pas profiter de la science de ces gens et suivre le qawa'id et suivre les choses, et le musulman il patiente, et le musulman il endure, et le musulman ne fait pas donc preuve de précipitation. L'ajala, il s'arrête, parce que ça, ce sont des jugements très graves. Très graves. Et donc là, c'est sécurisé, subhanallah. Il, donc, comme on a dit maintenant qu'on va citer des ahadith, où le terme de al-kufr, ou de al-shirk, ou de al-jahiliya, ou laissa des mu'min, ou mahada min khisal munafiq, ils usent de ces hadiths pour confondre les débutants et pour confondre les jeunes et pour leur dire voilà, c'est une mécréance. Le prophète a dit que cela ne fait pas partie de l'islam. Alors que le cheikh, il va nous montrer dans cette explication. Donc là, il va nous montrer que le prophète, lorsqu'il a prononcé des hadiths, etc., il ne vise pas la grande mécréance. Et donc, à ce moment, ils réunissent entre tous les textes pour avoir le jugement. Et il use de qawa'id aussi, d'autres qawa'id, dont at-tarjih, et ma'rifat al-nasikh ou al-mansukh, ou ma'rifat al-muhkam, ou al-mutashabih, ou ma'rifat al-mutlaq ou al-muqayyad. Des choses qui sont dans al-ilm et qui font donc clarifier les preuves. Et non pas l'insan yastaqil bi nas wa yabni alayhi mu'taqad. Donc là, le cheikh nous a cité le premier hadith. Il nous a cité le premier hadith où le prophète alayhi salam il avait mis en garde contre le fait de s'entretuer, etc. La tarji'u, la tarji'u kuffaran yadrib ba'dukum riqaba ba'd. Et le cheikh, hafidallah, il a cité un autre hadith où donc il est cité ce genre de terme, mais cela ne vise pas la mécréance majeure. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit, si l'on dit à son frère, oh toi le mécréant, l'un d'eux l'assume. Rawah al-Bukhari, rahimahullah. Donc là, an Abi Huraira radiallahu anhu, il a dit, qala rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Et le troisième hadith, selon Abi Huraira toujours, radiallahu anhu, selon Abi Huraira, que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit, deux traits chez les gens font qu'ils ont de la mécréance. Détracter la lignée et faire niyaha, Faire niyaha, c'est le fait de ne pas accepter la mort d'un proche. Et le fait de se déchirer les habits, ou de se griffer, ou de se frapper les joues, et peut-être aussi les cuisses, et le fait de crier et montrer en signe de quoi, de ne pas avoir accepté le décès d'un mari ou d'un enfant, etc. Donc là, détracter la lignée et faire niyaha, c'est-à-dire se frapper les joues, déchirer le vêtement, maudire, et ainsi de suite, hein, pour donc le mort, hein, faire tout cela pour ne pas avoir accepté, c'est-à-dire qada Allah azza wa jal bihada al-maut. Donc là, c'est rapporté par Muslim. Donc le prophète alayhi salatu wasalam, il avait dit, donc selon Abi Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Donc là, le prophète il a employé le terme kufr, mais ça ne veut pas dire la grande mécréance. Ça c'est ma'asiyah, ceci est un péché, c'est un grand péché. Mais cela n'est pas de la mécréance majeure. Et le cheikh, il va détailler cela dans le livre. Dans le livre, il détaille ces choses. Donc là, il a cité un quatrième hadith, selon Ibn Umar, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, celui qui jure par autre qu'Allah a donc associé. Hein, rapporté par Ahmed, et par Abu Daoud, et par At-Tirmidhi, et authentifié par Al-Albani. Donc là, عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. فقد أشرك. Et selon Al-Ma'rour, voici un cinquième hadith où c'est prononcé le terme de kufr ou de shirk, hein, ou de jahiliya. Selon Al-Ma'rour ibn Suwayd, il dit, j'ai rencontré Aba Dhir à Al-Rabada, une région qui s'appelle Al-Rabada, et il portait une robe, de même que son gamin, qui en portait une. Je lui ai demandé sur cela, et il répondit, j'ai insulté un homme, et je l'ai injurié à cause de sa mère. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me dit, Ya Aba Dhar, ô Aba Dhar, l'as-tu injurié à cause de sa mère? C'est donc un homme qui a de la jahiliya, hein, qui a de la jahiliya dans le comportement. Un homme qui a de la jahiliya, c'est qala innakum ra'un fika jahiliya. C'est-à-dire à ce moment-là. C'est donc un homme qui a de la jahiliya. Vos frères vous servent. Hein, Allah les a mis sous vos mains. Celui qui a un frère sous la main, qu'il le nourrisse de ce qu'il mange, qu'il l'habille de ce qu'il porte, ne leur donnez pas une charge qui les dépasse. Et si vous les chargez, aidez-les. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. An al-Ma'rur ibn Suwayd qal, laqitu Aba Dhar bil-Rabadha, wa alayhi hulla, wa ala ghulamihi hulla. Fasa'altuhu an dhalik. Faqala, inni sababtu rajulan, fa'ayyartuhu bi-ummih. Faqala liya al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ya Aba Dhar, أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. Donc là c'était le cinquième hadith, et le cheikh va citer un sixième hadith où c'est employé ces termes aussi, mécréance, shirk ou jahiliya. Donc selon Abi Malik al-Ash'ari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, quatre choses qui sont dans la communauté font partie de l'affaire de jahiliya, de la jahiliya. Ils ne les délaisseront pas. La yatrukuhun. Ils ne les délaisseront pas, ces choses, ces quatre choses. Quelles sont-elles? La fierté à cause de sa lignée, hein, la détraction du lignage des autres, demander la pluie par le biais des étoiles, et an-niyaha. Et il dit, an-na'iha, si elle ne se repent pas, avant sa mort, sera debout le jour de résurrection, alors qu'elle a une tunique de goudron et un bouclier qui donne la gale, rapporté par Muslim. Le hadith al-sadis min hada an-naw' an Abi Malik al-Ash'ari anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyati la yatrukuhun la yatrukunahun al-fakhru fi al-ahsab wa al-ta'nu fi al-ansab wa al-istisqa'u bin-nujum wa al-niyaha wa qala an-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. Voilà, c'était la première série de textes où il est prononcé le terme de mécréance ou de shirk ou de jahiliya. Le cheikh Mohamed Bazmoul, il va nous citer une deuxième série. En fait, il va nous citer quatre types de séries, quatre types de textes. La deuxième série, c'est celle qui vient maintenant, et où il y a des textes où c'est où celui qui fait certaines actions est décrit comme n'ayant pas cru. La yu'min. Certains gens peuvent dire, est-ce qu'il est mécréant? Est-ce qu'il est mécréant? La yu'min. Donc là, il va nous citer trois preuves, trois hadiths de ce genre. Hein. Le premier hadith, selon Abi Shurayh, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Il a été dit, regardez, sahaba, ils ont posé la question, qui est-ce, ô messager d'Allah? Qui est-ce, ô messager d'Allah, cet homme, que tu as qualifié ainsi? Il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses manœuvres, rapporté par Al-Bukhari. عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه c'est le fait de nuire au voisin et le fait que le voisin il souffre il est donc il n'est pas à l'abri des manigances et des complots et des manœuvres de ce genre de personnes. Donc là, le prophète, il a qualifié de la yu'min. Mais ça ne veut pas dire qu'il mécroit. Ça ne veut pas dire qu'il mécroit. C'est-à-dire qu'il se déplace de l'islam. Donc là, il va citer un deuxième hadith, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le fornicateur ne fornique pas tout en étant croyant. Il ne boit pas l'alcool tout en étant croyant. Il ne vole pas quand il vole tout en étant croyant. Il ne fait pas un larcin pour lequel les gens lèvent le regard tout en étant croyant. Et c'est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc là, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. Donc là c'est le deuxième hadith où ces actes ils ont été qualifiés comme la yahal hada wa huwa mu'min. Mais ça ne veut pas dire qu'il se déplace de la religion. D'accord? Donc là aussi, donc comment on a su que ces choses ne déplacent pas de la religion? Parce qu'il y a d'autres textes. Hein? Parce qu'il y a d'autres textes qui montrent que ceci n'est pas de la mécréance majeure. Qui montrent que ceci est un péché. Hein? Donc le prophète il n'a pas appliqué sur ces gens qui... Parce que le prophète, celui qui change sa religion, tuez-le. Mais il n'a pas tué ces gens qui sont tombés dans ce genre de al-zunub, de al-ma'asi, de al-kaba'ir, il ne les a pas tués pour avoir renié leur religion. Non, c'était des gens qui ont commis des péchés. Donc là, cela a prouvé que ces gens avaient commis des péchés et qu'ils ne se sont pas séparés de leur religion, de leur religion. Et selon Anas, que le prophète, et même sur ceux qui, sur lesquels il a appliqué, donc, Had al-Zina par exemple, là, il applique le had al-zina les ma'asiya, et non pas pour rida. Il applique sur al-rajm, il a appliqué la lapidation La lapidation, il l'a appliquée, et ces gens, ils meurent, on dit, haddan, la riddatan. Ils étaient morts pour avoir appliqué sur eux had az-zani, had ma'siyat az-zina. وليsa, يعني أنهم يكفرون. أنهم يكفرون. Donc là, le troisième hadith dans cette deuxième série, selon Anas, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, l'un parmi vous n'aura pas cru, n'aura pas cru jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et c'est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. C'était là le troisième hadith dans cette deuxième série. Maintenant, on va aborder une troisième série de hadith où le prophète عليه الصلاة والسلام, où il y a des textes qui donc où il y a on prononce des termes qui peuvent faire penser à la mécréance majeure alors que ce n'est pas le cas. Et c'est ce que le cheikh l'a intitulé, il a dit parmi les textes dont le sujet, c'est-à-dire celui qui les commet, dont le sujet de certaines actions fut décrit comme ayant une caractéristique de l'hypocrisie, hein, nifar, annahu fihi nifar. D'accord. Donc là, selon Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celui qui réunit quatre choses sera un hypocrite essentiel. Et celui qui en aura une, c'est-à-dire une seule caractéristique, l'hypocrisie, hein, aura une caractéristique, celui qui en aura une caractéristique d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Hein. Quelles sont ses caractéristiques? Si on lui confie le dépôt, il vole. Hein. S'il raconte, il ment. S'il donne serment, il trahit. Hein? Et s'il dispute, il transgresse. Et c'est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc là, il nous a cité cette troisième série où il nous cite ce premier hadith. Hein? An Abdillah ibn Amr, radiyallahu anhuma, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, Arba'un, man kunna fihi kana munafiqan khalisa. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Là, ce sont quatre caractéristiques, c'est-à-dire si elles sont réunies en un individu, elles font qu'il est hypocrite essentiel. Et s'il a une qualité, cela veut dire qu'il a un péché. Qu'il a un seul. Il a cité ce hadith, il a cité un autre hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, hein, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi wa sallam, il avait dit, hein, celui qui meurt sans avoir conquis, ni l'avoir souhaité, hein, il meurt sur une branche d'hypocrisie. Hein, il meurt sur une branche d'hypocrisie. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. Donc là le musulman il espère le ghazou. Le ghazou c'est pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif premier dans le ghazou c'est de propager le tawhid et de contrecarrer et de démolir le shirk. Comment un musulman ne va pas souhaiter telle œuvre, hein, grandiose? Mais al-ghazw, il se fait derrière le gouverneur musulman. Khalf al-umara al-muslimin. Non, pas n'importe comment et d'une manière anarchique. Le prophète, alayhi salam, il a dit, man mata wa lam yaghzu. Wa lam yuhaddith nafsahu wa lam yuhaddith fihi nafsahu. Mata ala shu'batin min nifaq. Mata ala shu'batin min nifaq. Donc là, il a cité Nifar, mais ça ne veut pas dire que ça déplace de la religion. Ça ne veut pas dire que ça déplace de la religion. Et là, le cheikh il va nous rapporter une quatrième série aussi, hein, une quatrième série de textes où il y a une autre caractéristique. Parmi les textes dont l'agent de certaines actions fut décrit par le désaveu à son encontre, al-bara'a minhu, ma anabari'un, بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. Le cheikh ne l'a pas cité celui-là ici, mais il en a cité d'autres. Il a dit, hein, donc il a cité ce premier texte de Abdullah ibn Mas'ud, an Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ne fait pas partie des nôtres celui qui se frappe les joues, qui déchire son vêtement et qui invoque par l'invocation de la jahiliya, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Hein, ça c'est le premier texte. Il a cité un deuxième texte selon Abi Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, que le prophète صلى الله عليه وسلم avait dit, ne fais pas partie des nôtres celui qui porte l'arme contre nous, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Hein? Donc ce hadith, je le répète, il concerne notre époque. Elle ne fait pas partie des nôtres, celui qui porte l'arme contre nous. Il porte l'arme contre nous. Donc, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, من حمل علينا السلاح فليس منا. Donc ça s'applique bien sûr à Daesh, par exemple, et à d'autres. Qui tue des musulmans. Donc ce groupe égaré qui fait une propagande contre l'islam et qui veut diaboliser l'islam donc devant le monde et qui est fort probablement comme les gens de science avaient dit. Donc il est soutenu par jihad, par des organismes qui veulent nuire à l'islam et à la paix de l'islam. L'islam ne reconnaît pas les actes de Daesh. Il ne les reconnaît pas. Et il est contre, la da'wa de l'islam est contre ce genre d'actes. La da'wa de l'islam est une da'wa qui repose sur le livre et la sunna. Et non pas sur les actes de ces individus. Donc là, man hamala alayna silah falaysa minna. Ces gens, ils portent les armes contre les musulmans. Comme le prophète alayhi sallam, il les avait décrit dans maintes ahadith. Dans celui où il dit qu'il tue les musulmans et il délaisse les polythéistes. Donc là, ça s'applique à eux aussi. Qu'il tue les musulmans et qu'il délaisse les polythéistes. Ou bien s'il tue les polythéistes, il les tue de manière à attirer le mal contre l'islam. Il tue des polythéistes, par exemple, qui sont mu'ahadin ou musta'manin ou dhimmiyin. Il ne les tue pas dans des combats où il y a un jihad qui est sahih, qui est correct, qui est derrière un gouverneur musulman. Non, il les tue d'une manière anarchique, de façon à donner une mauvaise image sur l'islam. Et pour que les gens soient, pour qu'ils hésitent à entrer, à embrasser cette noble religion. Eux, ils font maintenant cette propagande pour repousser les gens du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hum la yad'una ila l'islam wa innama hum yasudduna an sabilillahi ta'ala. Nas'Allah azza wa jalla an yakfi al-muslimina sharrahum wa an yakfi al-islam sharrahum. Amin. Donc là, le cheikh il a cité un troisième hadith concernant ce type de paroles qui figure dans les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abi Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager sallallahu alayhi wa sallam passa devant un amas de nourriture. Il passa devant un amas de nourriture un certain jour. Il fit entrer sa noble main. Ici, il fit entrer sa main et ses doigts se sont mouillés. Il dit, qu'est-ce que c'est? Ô toi, vendeur de cette nourriture, qu'est-ce que c'est? Ce vendeur répondit. Il répondit, elle fut atteinte de pluie. Elle fut atteinte de pluie, cette nourriture. Elle fut atteinte de pluie. Oh, le messager d'Allah. Et le messager lui répondit, il dit, pourquoi ne l'as-tu pas mis au-dessus de la nourriture pour que les gens le voient, pour que les gens voient qu'il y a une nourriture qui est bonne et il y a une nourriture qui est mouillée. Pourquoi ne le fais-tu pas donc apparaître aux gens? Et il a dit, après cela, celui qui triche n'est pas des miens. Celui qui triche n'est pas des miens. Ou bien celui qui fraude, man rashafa laysa minni, rapporté par Muslim. Donc là, an Abi Hurayra radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama' ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghassa falaysa minni. Donc là, le Cheikh, après ces quatre séries de hadiths qu'on vient de voir, après ces quatre séries de hadiths, donc il va faire un commentaire, il va même ramener le commentaire d'un grand imam de l'islam, Abi Ubayd al-Qasim ibn Sallam. Il va donc rapporter une parole qui va nous expliciter ces termes qui figurent dans ces hadiths. Les termes de al-jahiliya, de al-shirk, de al-kufr, de laysa bi-mu'min ou la yu'min, et de aussi laysa minni, de al-bara'a. Donc ces termes, le cheikh il va les expliquer, il les a commentés ainsi. Il a dit, ce qui est voulu dans ces hadiths, c'est que celui qui succombe dans l'une de ces choses, il ne mérite pas l'appellation de foi absolue. La yastahiqqu ism al-iman al-mutlaq. La foi absolue. Celui qui fait ces choses, ce genre de péché, il ne mérite pas le nom de la foi absolue. Jusqu'à ce qu'il se repente de ces grands péchés. Jusqu'à ce qu'il se repente de ce grand péché. Le musulman, alhamdulillah, s'il se repent, alhamdulillah. Donc là, il revient, alhamdulillah, comme s'il n'avait pas ce péché. Donc là, le cheikh l'a dit, cela signifie qu'il ne mérite pas l'appellation de foi absolue. La yulaqab bilaqab al-iman al-mutlaq. C'est plutôt un croyant pervers, un mu'min fasiq, ou un croyant dont la foi est imparfaite. Mu'min naqis al-iman. Il n'est pas parmi les croyants louables, parmi lesquels, pour lesquels le paradis est promis d'emblée. وليس من المؤمنين الكمل الذين يستحقون الجنة ابتداء. Donc, mais plutôt, il est parmi les gens qui sont sous la menace. ومن الناس الذين هم تحت الوعيد. الذين هم تحت الوعيد. إن شاء الله عذبهم. ثم يرجعون إلى الجنة. وإن شاء غفر لهم ويدخلون ابتداء إلى الجنة. Donc là, de toute façon, ils sont sous la menace. Si Allah veut, il les punit et ils rejoignent le paradis parce qu'ils ont aslu al-iman. Ils ont le fondement de base de la foi qui est tawhid wa nafi al-shirk. Et si Allah Azza wa Jal veut, il leur pardonne d'emblée et ils rentrent al-jannah bi-iznillah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il va rapporter la parole de Abu Ubayd Qasim ibn Sallam. Il a dit que cet imam cite à ces quatre types de hadith qu'il avait mentionné. Il cite à ces quatre types de hadith, il les mentionna et il mentionna les interprétations qu'en font les gens. كيفَ تَأوَّلَهَا النَّاسُ وَكيفَ حَوَلُوا شَرْحَهَا. Lui, il va citer cela, cet imam. Il n'en agréa aucune interprétation. Il n'agréa pas les interprétations faites par ces gens. Et on va voir quelles sont ces interprétations. Ensuite, il les expliqua comme je t'ai dit. Cheikh Bazmoul, il l'a dit. Il les expliqua comme je t'ai dit. Il dit, Rahimahullah, Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, cet imam, les gens de science, par exemple, il explique sa aqida. La aqida de Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam. C'est une aqida. Il a une c'est-à-dire un précis où il explique sa, c'est-à-dire sa croyance. C'est parmi les imams de l'islam et qu'il avait sa aqida ya'tani biha ahlu sunnah wa jama'a wa yashrahunaha. Donc son livre, les gens de science, il explique sa croyance parce que celui-là, c'est un imam de l'islam. Donc il avait dit, rahimallah, ce sont là quatre types de hadith. Les gens ont pris quatre types d'interprétations vis-à-vis d'eux. Les gens les ont interprétés de quatre manières aussi. Ils ont pris vis-à-vis d'eux quatre manières d'interprétation. Quelles sont ces manières d'interprétation? Il est encore temps? D'accord. Donc là, il a dit, les gens, cet imam, il a dit que les gens, ils ont interprété ces hadiths de quatre manières. Une partie des gens, ils ont, et pensent, cette partie, ils pensent que c'est la mécréance de bienfait. Ils ont interprété ces paroles lorsqu'il y a ce genre de termes, ils disent ça, c'est kofr ni'ma. De cet imam, ils rejettent cette interprétation. Ils ont dit, la première catégorie, ils ont dit, c'est kofr ni'ma. C'est la mécréance de bienfait. La deuxième partie, hein, les prend pour une manière de hausser le ton et une intimidation. Qui atteignait min al-nas, la tita awal zali al-hadith, qalat, يعني هذا على سبيل التخويف وإغلاق الكلام مع هؤلاء الناس. C'est-à-dire pour les menacer et pour les intimider, pour leur faire peur, alors que leur sens n'est pas voulu. Le cheikh, il va rejeter aussi cette interprétation. On va voir. Hein? Une troisième, ils appliquent sur la mécréance des gens d'apostasie. Une catégorie, elle applique cela sur les gens qui apostasient. Elle dit, si ces choses se trouvent chez les gens qui apostasient, c'est qu'ils méritent ces qualités aussi. Hein? Elle les applique sur la mécréance des gens d'apostasie. تطبقها على أهل الردة. D'accord. Et la quatrième les renvoie tous et les rejette. Elle renvoie ces hadiths et ne veut pas, c'est-à-dire les accepter. Elle les rejette. Qu'est-ce qu'il a dit juste après? Toutes ces interprétations sont refusées chez nous et ne sont pas acceptables à cause de ce qui s'y infiltre comme faille et corruption. فيها يعني خلل وفساد. Rahimallah, il a dit, il va continuer, il a dit, ce que nous avons par rapport à tout ce chapitre, c'est que les désobéissances et les péchés n'excluent pas la foi. Les désobéissances comme An-Niyaha, hein, ou comme Ida'ul-Jar, ou comme donc ces péchés, les désobéissances et les péchés n'excluent pas la foi, hein, ni qu'ils rendent obligatoirement mécréants. Ils ne rendent pas mécréants les péchés. Hein? C'est plutôt qu'ils nient la vérité et la pureté de la foi. Voilà comment il faut comprendre ce genre de hadith. C'est qu'ils nient, voire, quoi? La vérité et la pureté de la foi. La vérité de la foi. حقيقة الإيمان. ليس عنده حقيقة الإيمان. وليس عنده يعني الإيمان المطلق. Hein? La pureté de la foi par lesquelles Allah a décrit ces gens, il a décrit les gens de la foi ainsi, et qu'il exigea d'eux dans des endroits de son livre. Hein. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit « Innama al-mu'minun al-ladhina idha zakara Allah wujilat qulubuhum » par exemple. Hein. « Idha zakara Allah wujilat qulubuhum » Ce sont les gens de la foi qui ont atteint le degré maximal, hein, si l'on ose s'exprimer ainsi, qui ont l'iman al-mutlaq, qui se sont éloignés des péchés, et qui ont fait ta'at, et qui sont éloignés des interdits. Et tout cela, ces gens, c'est une catégorie. Alors que l'autre catégorie, le fait de succomber dans ces péchés, ne signifie pas qu'ils sortent de l'islam, mais ils ne font pas partie de la première catégorie. Voilà comment il a interprété. Il a dit, il continue toujours l'imam, Abi Ubayd al-Qasim ibn Salam. Hein? Si quelqu'un objecte, comment se fait-il qu'il soit permis de dire, il n'est pas croyant, laysa bi mu'min, la yu'min. Hein? Comment se fait-il qu'il soit permis de dire cela, et qu'il ne soit pas prévu du nom de la foi? Hein? Ça c'est ce que disent aussi, donc, les Zakhiri, hein, les Zakhiri, ils disent comment, puisqu'il a été qualifié comme la Yomim, hein, Comment vous osez toujours continuer à dire qu'on ne le prive pas de la foi? Hein, il a dit, lui-même, il a dit, on répond, voici les paroles des Arabes. Parce que le Coran Karim, il a été révélé selon la langue arabe. Hein, sur ce que les Arabes disaient aussi. Hein. Voici les paroles des Arabes, abondantes et non indéniables. Kathira wa la yunkiruha ahad. Hein, où l'on renie l'action à son auteur si elle n'est pas sa vérité entière. Hein? C'est-à-dire, on renie l'action à l'auteur, on va lui dire, tu n'as pas fait. Alors qu'il a fait une partie. Donc, en langue arabe, il faut nous donner des exemples. Ne vois-tu pas qu'ils disent au fabricant, hein, s'il n'est pas excellent dans son œuvre, qu'est-ce qu'ils lui disent? Hein? Tu n'as rien fabriqué. Hein? Tu n'as fait aucun ouvrage. Hein, ils disent, les Arabes, ils disent aux fabricants, lorsque, par exemple, toi, tu es un client, et tu reviens, il ne t'a pas fait la chose que tu espérais, il a fait une chose qui est médiocre, tu vas lui dire, « Ma sana'ta shay'an wa la amilta amalan. » Tu n'as rien fait. Hein? Tu n'as rien fabriqué et tu n'as fait aucun ouvrage. Alors que lui, il a fait quelque chose quand même. Mais là, dans la manière, dans la façon de parler, on lui dit la sanata shay'an. Hein? Donc ici, le sens voulu est de nier l'excellence. Hein? Non pas l'ouvrage lui-même. Comme dans le cas de la foi, c'est de nier l'excellence. Non pas asl al-iman. Hein? C'est de renier l'excellence. Non pas l'ouvrage lui-même. Il est pour eux un fabricant par le nom. Wa sani' bil ism. Hein, il est un fabricant par le nom, hein, et il ne l'est pas relativement à l'excellence. Il ne l'est pas par excellence, hein, au point qu'il en a parlé, au point qu'ils en ont parlé plus que de cela, hein. Et c'est comme pour un jeune désobéissant et nuisant à son père, et il va continuer, hein, et nuisant à son père, et qui dit, le père qui se plaint de son fils, qu'est-ce qu'il va dire? Ma huwa biwalad. C'est-à-dire que s'il a un enfant désobéissant, il va dire, ma huwa biwalad. Il n'est pas un enfant. Hein? Et c'est comme, quoi? Ma huwa biwalad. Alors qu'ils savent, alors que les gens savent qu'il est son enfant légitime. Et l'on en dit également du frère, hein, quelqu'un qui va se plaindre de son frère, il n'est pas mon frère, hein, ou de l'épouse, ou de l'esclave, il va de même, qu'il s'exprime ainsi. Mais ils ne veulent pas haqiqat shay, ils veulent l'excellence. Hein. Ils veulent dire par là qu'ils se séparent des actions obligatoires d'obéissance et de piété, dont ils sont redevables, c'est-à-dire cet enfant, ou bien, c'est-à-dire cet esclave, ou cette épouse, hein. Quant au mariage, hein, il ne s'annule pas. Quant au mariage, ou à l'esclavage, ou à la parenté, ils restent à leur place, et gardent leur nom, hein, comme on a dit tout à l'heure, ils gardent leur nom. Et il en est de même pour ses péchés, hein. Qui font nier ces péchés qui font nier la foi, hein, qui ont fait que donc on dit oui c'est des mu'min, qui font nier la foi, les religions en annulent la vérité, c'est-à-dire l'excellence, la vérité, hein, qui sont parmi leurs traits, hein, c'est-à-dire l'excellence qui était un trait qui devait figurer là, mais puisque ça ne figure pas, on dit laïsa du mu'min, alors que on veut dire laïsa du mu'min على الحقيقة ou donc l'iman al-mutlaq. Quant aux appellations al-asma, quant aux appellations, elles demeurent comme avant. Il est toujours croyant. En vérité, toujours il est croyant. Il est musulman. Elles demeurent comme avant. On ne dit de que cela. On ne dit l'imam Abi Ubayd al-Qasim bin Sallam, il dit, on ne dit de que cela qu'ils sont croyants. Et on les juge ainsi, on les juge comme étant des croyants. Tous ces textes, hein, et ce qui leur est similaire, sont pour moi, c'est-à-dire sont pour Abi Ubayd Qasim bin Sallam, hein, sont pour moi à prendre comme je t'ai expliqué, Il en va de même pour les hadiths où il y a le désaveu, al-bara, comme sa parole, celui qui fait ceci ou cela n'est pas des nôtres, hein. Voilà, donc là, peut-être qu'on va nous arrêter sur cela, hein. On va nous arrêter sur cela puisque c'est l'heure de l'aveugle, hein. Et donc, inshallah ta'ala, la prochaine fois, on va reprendre à partir de cette citation, qui clarifie beaucoup de choses et qui est une citation de cet imam de l'islam, Abu Ubayd Qasim ibn Sallam, rahimahullah. Et inshallah ta'ala, on continue les explications bénéfiques, à lire les explications bénéfiques de ce noble cheikh Mohammed bin Hamad Salim Bazmour, hafidhahullah ta'ala, wa waffaqa, wa zadahu min al-khayr. Inshallah ta'ala, wa subhanahu wa ta'ala, wa hamdika, shalom, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.